إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui c'est le cours, on commence le cours 43 dans Kitab Zakat dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi, et le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui c'est Babun fi bayani ahli zakati wa man la yajuzu daf al-zakati lahum, c'est-à-dire le chapitre qui parle de l'explication de qui sont les gens qui méritent la zakat, qui peuvent recevoir de la zakat, et à qui il n'est pas permis de donner la zakat. Le cheikh il dit wa'lam annahu la yajuzu daf' az-zakat illa lil asnaf allati ayyanaha Allah fi kitabihi al-karim, qala ta'ala innama as-sadaqatu lil fuqara' wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc le cheikh il dit, sache que si tu donnes ta zakat à autre que les huit catégories que Allah a indiqué et a spécifié dans son livre le Coran, dans le verset 60 dans sourate At-Tawbah, alors sache que ta zakat n'est pas valable, c'est-à-dire que tu n'as pas donné ta zakat tant que tu les as pas tant que tu leur as pas donné aux catégories qui sont désignées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset mentionné c'est le verset 60 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que les sadaqat, c'est-à-dire les zakat, sont uniquement pour les fuqara. Le fuqara c'est les pauvres, ou le masakin ce sont les moins, c'est des gens qui sont pauvres mais moins pauvres que les fuqara. Et al-amilina alayha, ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ou le mu'allafati qulubuhum, ceux dont on veut rapprocher le cœur à l'islam, wa fil riqab, et ceux qui veulent acheter leur liberté parmi les esclaves, ou le gharimin, c'est-à-dire les gens qui sont lourdement endettés, au fi sabilillah, c'est-à-dire les gens qui sont dans le sentier d'Allah, qui sont en train de lutter dans le sentier d'Allah, parmi les combattants, wabn sabil, et les gens qui sont des voyageurs. Donc ceux-là sont les gens qui méritent et qui ont le droit à la zakat. Faridatan min Allah, c'est une obligation que Allah a établie. Et Allah est omniscient et sage. Le cheikh il dit ensuite: فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. Le cheikh dit, ces gens-là mentionnés dans ce verset-là, c'est des catégories de gens à qui il est permis de donner la zakat. Et Allah a fait que c'est à eux qu'on doit donner la zakat. il n'est pas permis de donner la zakat à quiconque en dehors de ces 8 catégories-là. Et ça, c'est selon les djma, c'est-à-dire selon le consensus des savants de l'islam. Il dit ensuite, وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. Le cheikh il mentionne ce hadith qui est apporté selon Abu Daoud, par Abu Daoud selon Ziyad ibn al-Harith, que Allah, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Allah n'a pas été satisfait de, ou n'a pas agréé le jugement de quiconque, ni d'un prophète, ni d'autre que d'un prophète, au sujet de la division des sadaqat, jusqu'à ce qu'il juge lui-même dans cette question. Et qu'il la divise en 8 parties. Et lorsque quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces différentes catégories-là, c'est-à-dire au sujet de la zakat, il lui a demandé de la zakat, il a dit, si tu fais partie d'une de ces catégories-là, alors je t'en donne. Et ça c'est rapporté selon Abu Dawood. Toutefois, il a été déclaré da'if dans Irwa al-Ghalil, et dans Irwa al-Ghalil, c'est le hadith numéro 859. Donc ceux qui veulent vérifier par la suite, ou pourront vérifier. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. Donc le cheikh il dit ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la zakat et a divisé la zakat, c'est souvent arrivé que des munafiqin se sont objectés à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait la zakat, hein, parce que ils considéraient que c'était une injustice de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le retrouve encore même aujourd'hui chez certains individus qui considèrent que Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'injustice aux êtres humains en donnant de la subsistance aux hommes de manière inégale entre les êtres humains, comme les socialistes et les communistes qui croient que tout le monde doit avoir la même quantité de risque et la même richesse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il distribuait l'argent de la zakat ou l'argent des l'argent de la zakat en particulier, il la donnait pas à tout le monde de façon égale. Il prenait la zakat et il la donnait aux catégories qui sont mentionnées dans le verset et à ceux qui le méritaient le plus. Yani selon la justice, non pas selon l'égalité. Parce qu'il y a une différence toujours entre l'égalité et la justice. Hein? Et la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets la chose à sa juste place. Hein, et dans sa juste proportion. C'est ça la justice. Et non pas de donner à tout le monde la même chose. Hein. Donc, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait la zakat de façon égale. Et on a vu ça dans l'exemple de Zulkhuwaysira, hein, le père des Khawarij, celui qui est sorti contre le, et qui est venu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait les butins, et qu'il a dit, ô messager d'Allah, sois juste parce que tu n'es pas juste. Alors, imaginez, hein, aujourd'hui, il y en a encore qui disent des choses pareilles, et qui disent, ah non, c'est pas juste, on doit distribuer l'argent de la zakat à tout le monde égal, ou bien l'utiliser comme une taxe, pour donner aux pauvres, ou bien pour construire des écoles, ou des hôpitaux, ou des ponts, ou des trucs de ce genre. Et donc, ils mélangent les choses. Donc, la zakat, c'est pas pour ces choses-là, mais c'est pour la construction, c'est pour la distribution parmi les catégories qui sont mentionnées dans le verset et non pas d'autres en dehors de ça, comme le cheikh va le spécifier de façon plus détaillée dans quelques passages. الشيخ يقول ensuite وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون. الشيخ ابن تيمية إلزي رحمه الله الشيخ فوزان المنسين dans le chapitre, il dit il est obligatoire de distribuer la zakat aux 8 catégories qui sont présentes, s'ils existent ou s'ils sont présents. Et sinon, on le distribue à ceux d'entre ces catégories-là qui existent et qui sont présents. Sinon, on les distribue là où ils existent. Hein, s'ils ne sont pas présents là où l'argent est, eh bien, on amène l'argent là où ils sont. الشيخ دي ensuite ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو من يعاون المؤمنين فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis de donner la zakat à des gens qui ne l'utilisent pas pour s'aider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné la zakat dans le but d'aider dans son obéissance pour celui qui en a besoin, parmi les mu'minines, parmi les pauvres, parmi les endettés, parmi les gens qui en ont besoin pour aider les mu'minines. Donc dans ce cas-là, celui d'entre les gens qui a des besoins mais qui ne fait pas la salat, on ne doit rien lui donner de la zakat jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il commence à établir les prières obligatoires dans leur temps. D'accord, ça c'est important. Et c'est mentionné dans Al-Ikhtiyarat de Cheikh Ibn Taymiyyah. Après, il dit ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. الشيخ dit qu'il n'est pas permis de distribuer la zakat pour autre que les catégories mentionnées qui ont été désignées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas, le cheikh il dit, donner à d'autres œuvres charitables que ces catégories mentionnées. Il dit donc que c'est pas pour construire des écoles, c'est pas pour construire des mosquées, c'est pas pour payer l'électricité, c'est pas pour construire des routes ou des ponts ou des aqueducs, ou bien pour, par exemple, construire des hôpitaux, ou n'importe quelle autre chose, yani, parmi les besoins. Parce qu'il y en a, parmi certains auteurs, certains écrivains contemporains, comme par exemple Sayyid Qutb, par exemple, Cheikh Rabi', il a écrit un livre qui s'appelle « Al-Awasim mimma inda Sayyid Qutb min al-Qawasim » et Sayyid Qutb, il interprétait l'islam d'une façon à satisfaire les socialistes et à suivre disons, le système socialiste. Alors, il essayait de défendre ces idées-là, qu'on peut prendre la zakat et que c'est comme une taxe et que le gouvernement peut l'utiliser, prendre l'argent des riches et la distribuer pour construire des ponts et des trucs comme ça, et des écoles et des routes et des choses de ce genre. Et donc, on voit que c'est totalement faux et que la zakat, c'est pas du tout pour ce genre de choses-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innama as-sadaqatu lil fuqara, c'est-à-dire innama, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient limiter et spécifier le verdict qui suit, c'est-à-dire donc que c'est uniquement pour les pauvres et les masakin et les gens mentionnés dans le verset qu'il faut donner la zakat et la sadaqa et non pas à d'autres. Hein, ça veut dire, et non pas à d'autres que ceux-là. Uniquement à eux en particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces 8 catégories-là pour nous faire connaître, ou pour nous faire savoir que la sadaqa ne doit pas sortir de ces 8 catégories-là. Après, le cheikh, il commence à expliquer, il dit que, parmi les catégories de gens à qui on doit donner la zakat, il dit هذه وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين القسم الأول المواحيد من المسلمين والقسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. Le cheikh il dit les catégories à qui on donne la zakat se divisent en deux. La première catégorie, ce sont les musulmans dans le besoin. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui, lorsqu'on leur donne de la zakat, ça devient une aide pour eux dans l'obéissance et dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça les renforce dans l'islam, ou à accepter l'islam. Comme le cheikh il mentionne, par la suite, il dit wa qawlu Allah ta'ala innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Il dit que dans cette aya il y a fi hadhih al-aya حصر للأصناف أو لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجوز صرفها في غيرهم وهم ثمانية أصناف. أحدها الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالمهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في مشيئتهم معيشتهم ولا يقدرون على التكسب أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. Le cheikh il dit que la première catégorie c'est les pauvres. On dit en arabe al-fuqara. Et c'est ceux qui ont plus de. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres, mais pas aussi pauvres que les masakin. Donc les fuqara et masakin, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire les fuqara c'est des pauvres et les masakin aussi c'est des pauvres. Toutefois, les fuqara sont plus pauvres que les masakin. Donc dans les versets des fois vous trouvez les deux mots utilisés dans le même verset, le fuqara ou le masakin. Dans ce cas-là, ça implique que c'est deux degrés de pauvreté différents et que les plus pauvres c'est les fuqara puis ensuite les masakin. Et il y a aussi dans certains versets que vous allez trouver uniquement le terme fuqara, ou dans d'autres versets ou hadiths, vous allez trouver seulement le terme masakin. Donc, dans ce cas-là, quand ils sont mentionnés individuellement, ils impliquent l'un et l'autre. Ils impliquent l'un et l'autre. Un implique l'autre dans ce sens-là, s'ils sont mentionnés individuellement. Et donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par eux parce que ce sont eux les plus en besoin et les plus importants. Et c'est ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils ont besoin pour vivre et qui ne sont pas capables de gagner leur vie. Donc ceux-là, ils n'ont pas ce qu'il leur faut et donc on leur donne de l'argent, de la zakat, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. S'ils trouvent rien du tout, s'ils ont rien du tout, on leur donne qu'est-ce qu'ils ont besoin pour un an. Et s'ils ont déjà un peu, eh ben, dans ce cas-là, on leur donne qu'est-ce qui leur manque. On leur donne qu'est-ce qui leur manque pour un an. La durée d'un an. Et dans la deuxième catégorie, c'est المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الشيخ الذي المساكين ils sont un peu mieux, dans une situation un peu meilleure que les fuqara, les pauvres. Toutefois, les masakin, c'est-à-dire, il est pauvre, mais il trouve quand même un petit peu. Soit il trouve la plupart de ce qu'il a besoin, ou la moitié de ce qu'il a besoin. Donc, dans ce cas-là, il faut compléter pour lui qu'est-ce qui lui manque pour le reste de l'année. Après, la troisième catégorie, le cheikh il dit, « Al-amiluna alayha » وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين فيعطون من الزكاة قدر أجرة عليهم إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على حال العمل إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة أو أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. La troisième condition, pas condition mais catégorie, ce sont les gens qui travaillent pour ramasser la zakat. Ce sont des employés ou des gens qui sont désignés par le dirigeant ou par l'État pour ramasser, aller chercher la zakat, la garder et la distribuer auprès de ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est en particulier dans la zakat des biens comme par exemple les animaux et les bestiaux ou les fruits et les grains. Eux, c'est leur tâche d'aller ramasser ces choses-là. Et le cheikh il dit que comme salaire ils prennent de l'argent de la zakat, hein? Ils prennent de l'argent, on leur donne de l'argent de la zakat et il n'est pas permis par le gouvernement, par le dirigeant, il n'est pas permis dans ce cas-là pour eux de prendre rien de la zakat parce qu'ils ont déjà un salaire. Et le cheikh il dit que c'est ça ce qui se passe actuellement, ceux qui ramassent la zakat ce sont des gens travaillent, mais ils ont déjà un salaire désigné par le gouvernement pour faire ce genre de travail-là. Donc, dans ce cas-là, pour eux, ils n'ont pas le droit de prendre rien de la zakat parce qu'ils ont déjà reçu leur salaire pour le travail qu'ils ont fait. Ensuite, le cheikh il dit al-rabi' al-mu'allafatu qulubuhum, c'est-à-dire ceux dont on souhaite rapprocher le cœur à l'islam. Ça vient de mu'allafa qui est le pluriel de mu'allaf, et mu'allaf ça vient de ta'lif qui veut dire de réunir, hein, de rassembler. Comme un livre, des fois, vous voyez sur un livre, c'est écrit ta'lif. Hein, mais ta'lif, ça veut dire que c'est des choses qui ont été rassemblées ensemble. Et donc, jam' al-qulub, dans ce sens-là, c'est de réunir les cœurs. Wa al-mu'allafatu qulubuhum, de réunir les cœurs, c'est de deux catégories. Dans le sens de, pour les kuffars, et un dans le sens pour les musulmans, l'autre dans le sens pour les musulmans. Donc, en ce qui concerne les kuffars, le cheikh il dit فَالْكَافِرْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا رَجَى إِسْلَامُهُ إِذَا رَجَى إِسْلَامَهُ لِتَقْوَى نِيَّتَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَشْتَدْ رَغْبَتُهُ أَوْ إِذَا حَصَلَ بِإِعْطَائِهِ كَفُّ شَرِّهِ حَصَلَ كَفُّ شَرِّهِ عن المسلمين أو شر غيره. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة فقط عند الحاجة إليه، لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهما أو عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. Donc le cheikh explique que la quatrième catégorie c'est les gens dont on veut rapprocher le cœur. Ils sont deux catégories comme on a dit, les kuffars et les musulmans. Puis le kafir, c'est la première catégorie. On a le droit de lui donner la zakat si on espère qu'il accepte l'islam, parce qu'on sent qu'il a une grande envie et un grand intérêt de devenir musulman. Donc pour l'encourager, hein, on peut lui donner de la zakat. Également, lorsqu'on veut éviter le mal des koufars, lorsqu'on veut essayer d'éloigner le mal que les koufars font à des musulmans, on peut leur donner une partie de la zakat pour se préserver de leur mal et pour pouvoir continuer à pratiquer notre religion. Donc si par exemple les koufars nous donnent des problèmes dans la pratique de notre religion, puis qu'on veut on veut pouvoir avoir cette liberté là, et bien c'est permis de leur donner de l'argent pour, en échange de notre sécurité ou de notre paix dans la pratique de l'islam. Contrairement à ce que certains musulmans aujourd'hui qui sont en train de faire le contraire, c'est-à-dire ils donnent aux kuffars leur religion en disant bon, prenez, c'est-à-dire on va abandonner ou on va laisser tomber des aspects de notre religion, on va faire des compromis, on va transiger, et puis de votre côté vous nous donnez de l'argent ou vous nous donnez d'autres privilèges ou des études ou des trucs comme ça. Donc ça c'est al-mudahana et ça c'est pas permis. Une fois de donner aux koufars de l'argent dans le but de se protéger de leur mal, ça c'est quelque chose qui a été permis et qui est encouragé. Il y a un lien dans le sens que pour te protéger de ce mal-là. Hein? Et comme par exemple, on voit que dans certains pays non musulmans, ou bien même des pays musulmans parfois, Allah musta'an, où il y a l'interdiction du hijab, les femmes, elles acceptent d'enlever le hijab pour pouvoir atteindre quelque chose de leur dunya. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Ça, ça fait partie de al-mudahana. Alors que le musulman, il ne fait pas ces genres de choses-là. Il ne donne pas au kuffar la dunya pour garder, il ne donne pas au kuffar sa religion pour garder sa dunya. C'est le contraire. Il donne sa dunya pour préserver sa religion. Donc ça, c'est un point important. Il faut réfléchir là-dessus. Et également, le chef, il dit que ça, on a le droit de donner à des musulmans aussi, si on voit que en lui donnant de la zakat, ça va augmenter sa foi, ça va l'encourager dans le bien. Dans ce cas-là, on a le droit de lui donner de la zakat, et parce qu'on souhaite qu'il augmente dans sa religion, il devienne meilleur, un meilleur musulman. Et pour tout autre intérêt qui est correct, qui est bénéfique pour les musulmans, il est aussi permis donc de donner de la zakat, et de donner dans le but de réunir les cœurs. Ça, on l'applique uniquement quand il y a un besoin de le faire. Parce que Omar ibn Khattab et Uthman et Ali radiallahu anhum, eux, à leur époque, ils n'ont pas appliqué ça. Ils n'ont pas appliqué la question de ta'lif, parce que à leur époque, l'islam était devenu quand même fort, et donc on craignait moins les influences extérieures. Et donc c'est à cause de ça que, yani, à leur époque, on a cessé de distribuer la zakat pour ces catégories-là. La cinquième catégorie, c'est al-riqab. Wa hum al-riqab al-mukatabun. الذين لا يجدون وفاء فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق أو يعتق فيخلص من الرق ويجوز أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم لأن ذلك فك رقبة أو فك رقبة المسلم من الأسير. Le cheikh il dit que الرقاب c'est les esclaves. الرقاب ce sont les esclaves, et ce sont les esclaves en particulier qui ont une entente avec leur maître pour acheter leur liberté. Donc c'est comme s'ils ont pris une entente avec leur maître que ils allaient payer à leur maître le prix de leur liberté. Et donc ils travaillent et ils donnent à leur maître une somme d'argent jusqu'à ce qu'ils aient terminé de payer complètement. Donc après ça, ils deviennent libres. On les appelle al-makatib. Et il est permis de leur donner de la zakat pour les aider à acheter leur liberté. Et également, le chef dit qu'il est permis aussi de donner, à des prisonniers. Par exemple, si les koufars ont pris des musulmans comme prisonniers, il est permis d'utiliser la zakat pour libérer ces prisonniers-là, qui sont des prisonniers musulmans. Donc, ça fait partie de fakura qabat, c'est-à-dire de libérer un esclave musulman. Le cheikh, il donne ensuite la sixième catégorie, al-sadis al-gharim, wa huwa bil-gharim al-madin, wa huwa naw'an. Donc, al-gharim, c'est la personne qui est endettée, al-madine. Et ils sont de deux catégories. Le cheikh, il dit, il y a deux catégories. Ahaduhuma gharimun li ghayri. Wa huwa al-gharimu li islahi dhati baynihi. Li ajli islahi dhati al-bayn. Bi an yaqa' bayna qabilatayn aw qaryatayn. Niza'. في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمال بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض. ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. Donc le cheikh il dit que la première catégorie de personne qui est endettée, c'est celui qui est endetté envers les autres. Dans le sens que, par exemple, supposons qu'il y a eu, entre deux tribus ou deux villes où il y a eu des problèmes. Dans le sens qu'il y a eu peut-être un accident ou un meurtre ou bien une grosse somme d'argent qui doit être payée à cause d'un accident ou quelque chose de ce genre qui a rapport avec le sang ou les biens. Et à cause de ça, il y a comme des conflits ou des problèmes entre les deux tribus ou les deux villes. Et donc, il y a un homme qui intervient entre les deux factions ou les deux tribus pour essayer de faire la réconciliation entre les deux groupes. Et donc, il donne ou il propose de donner une somme d'argent pour, disons, éteindre la fitna qui existe entre eux. Et donc, il fait en faisant ça une bonne action, quelque chose de bien. Alors, le cheikh, il dit que ça fait partie de quelque chose qui est mashrou' et qui est permis dans ce cas-là de donner à cet homme-là de la zakat pour qu'il puisse dépenser, disons, payer ou donner de l'argent pour les réconcilier. C'est-à-dire, on ne doit pas le laisser dépenser ça de sa propre poche. Au contraire, on doit l'aider en lui donnant l'argent de la zakat pour qu'il puisse éteindre cette fitna, et en même temps, en donnant de la zakat à une personne qui fait un bien comme ça, eh bien, c'est comme si on l'encourage lui et on encourage les autres à faire des réconciliations puis à aider les gens à se réconcilier, et donc ça éteint les fitnas et ça élimine la corruption. Et donc ça, c'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé. Et c'est pour ce genre de personnes, il est permis de donner de la zakat, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, selon Qubaysa, qui lui a dit, lorsqu'il a fait quelque chose de ce genre, le professeur Sam lui a dit: attends, établis la aqim as-salah, je pense qu'il dit d'appeler, de faire la salah pour que les gens puissent arriver et rassembler de la zakat ou de la sadaqa pour lui et pour lui en donner, parce qu'il allait intercéder entre deux groupes et donner de l'argent pour les réconcilier. Cette personne-là, il est endetté. Il n'est pas endetté pour lui-même, il est endetté pour les gens. Donc ça, c'est la première catégorie. Parce que ce n'est pas une dette qu'il avait lui-même envers quelqu'un d'autre, mais c'est une dette qui lui est venue parce qu'il a, voulu aider les autres. Donc dans un cas comme ça, on considère ça comme faisant partie de Al-Gharim. Et la deuxième catégorie, c'est Al-Gharim ou l'inafsé. كأن يفتدي نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطي من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين. الشيخ الزي La deuxième catégorie de personnes qui est endettée, c'est la personne qui est endettée pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a une dette lui-même, soit parce qu'il veut se libérer des kuffars, parce qu'il a été pris, il a été fait prisonnier, puis il veut se libérer des kuffars, donc il est endetté à cause de ça, ou bien il a une dette qu'il n'est pas capable de régler, et donc il a besoin de l'aide pour la régler, donc on peut lui donner de la zakat pour l'aider à payer cette dette. Et le cheikh ne mentionne pas plus de détails que ça à ce sujet-là. Toutefois, il y a des ulama qui ont mentionné dans les détails de cette question que si c'est une personne qui est insouciante de sa façon de dépenser l'argent et qui s'endette sans réfléchir, dans ce cas-là, il ne faut pas lui donner de la zakat pour payer ça, parce que ces gens-là, d'habitude, lorsqu'ils sont insouciants et qu'ils s'endettent comme ça, inconsciemment, eh ben, ça les encourage à continuer à s'endetter. Et en même temps, ils dépensent l'argent qu'on leur donne parfois de la zakat pour autre chose que pour payer leurs dettes. Hein, ils l'utilisent pour acheter toutes sortes d'affaires qui ne sont pas bénéfiques pour eux et qui parfois, donc ça les, comme on dit, ça les encourage à continuer à s'endetter. Et donc il faut, donc dans des cas comme ça, il faut prendre en considération ces choses-là, c'est important. À cause du verset qui dit, donc la preuve c'est Al-Ghalimin, c'est dans le verset 60 dans Sourate Tawbah, qui montre que les gens qui sont endettés rentrent dans les catégories des gens pour qui on doit donner la zakat. As-Sabi', la septième catégorie, Fi Sabilillah, c'est-à-dire les gens qui sont dans le sentier d'Allah. Le cheikh dit بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله. Le cheikh dit que comme septième catégorie, on doit donner la zakat aux combattants qui combattent volontairement et qui n'ont pas de salaire qui leur est attribué du trésor des musulmans. C'est-à-dire le dirigeant ne leur a pas attribué un salaire spécifique et donc ils viennent et ils peuvent recevoir de la zakat dans ce cas-là. Et le cheikh il dit que quand on dit « Fisabilillah » ça implique d'une façon plus absolue al-razou, c'est-à-dire le combat et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jihad. Et il mentionne des preuves de ça. Le verset 4 dans sourate As-Saff, Allah aime ceux qui luttent et Allah aime ceux qui combattent dans son sentier. Et le verset 19 dans sourate Al-Baqarah, wa qatilu fi sabilillah, et combattez dans le sentier d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il mentionne que parce que souvent j'avais expliqué des fois dans d'autres occasions que les tulab al-ilm pouvaient recevoir de la zakat. Et ça c'est Cheikh Al-Fawzan, lui il explique que les tulab al-ilm ne rentrent pas dans les catégories qui méritent la zakat, excepté s'ils sont pauvres. S'ils sont des fuqara, parce qu'ils font partie des fuqara. Pas parce qu'ils sont tulab al-ilm, mais parce qu'ils sont des fuqara. Toutefois, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, lorsque j'ai vérifié sa position à ce sujet-là, lui, il explique que, en détail, il détaille et il donne plus de détails. C'est-à-dire, il dit que si le talib ilm, il veut s'adonner uniquement à la science et à l'étude et qu'il n'a pas d'autres moyens de subsistance, dans ce cas-là, il a le droit de recevoir de la zakat et pour s'avouer, pour se consacrer uniquement à l'étude et à la religion. Donc, dans des cas comme ça, on peut dire que c'est permis Et bien entendu, ça c'est pour un pauvre, parce que si le talib ilm est riche, il n'a pas besoin de zakat. Donc dans ce cas-là, c'est donc un détail important à comprendre, que si le talib ilm est pauvre et qu'il n'a pas d'autres moyens pour subvenir à ses besoins et qu'il veut se consacrer uniquement à l'étude de l'islam, et dans ce cas-là, il a le droit de recevoir de la zakat. Après le cheikh, il dit الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاذ ما معه أو ضياعه لأن السبيل هو الطريق فسمى من لزمه ابن السبيل فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده وإن كان في طريقه إلى بلد قصده إلى بلد قصده أعطي ما يوصله بذلك أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا وإنما يملكه ملكا مراعى بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله فإذا زال السبب زال الاستحقاق. Le cheikh dit que la huitième catégorie c'est le voyageur. Le voyageur qui ne peut plus continuer son chemin parce qu'il est en difficulté, parce qu'il n'a plus de biens, ou bien parce qu'il a perdu ses biens, son argent, ou bien il s'est fait voler ou des trucs comme ça. Donc, dans ce cas-là, il a le droit de recevoir de la zakat. Et parce que les voyageurs, on l'appelle dans ce verset-là Ibn Sabil, c'est-à-dire le fils du chemin, ou le fils du chemin, c'est-à-dire que c'est celui qui voyage, qui marche sur le chemin, sur la route, fils de la route. Et donc, on a le droit de lui donner ce qu'il a besoin pour arriver à sa destination. S'il s'en va vers l'endroit où il voulait aller, donc on lui donne ce qu'il a besoin pour aller là où il veut, et on lui donne également ce qui lui permet de retourner par la suite à son pays d'origine, s'il veut retourner là d'où il vient. وَيَدْخُلُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الضَّيْفِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. Il dit que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ainsi que d'autres sahaba ont mentionné que l'invité, ou bien l'invité, oui c'est ça, la personne qui est invitée, qui vient chez toi comme un invité, et qui reste, il fait partie de Ibn Sabil aussi. Les gens que tu accueilles chez toi. Et c'est-à-dire lorsque tu les invites chez toi, et ben Ad-Daif on l'appelle, le Ad-Daif, et ben il fait partie de ce qu'on appelle Ibn Sabil. Le chef il dit que s'il reste quelque chose, par exemple quelqu'un a donné la zakat au voyageur ou au combattant ou à une personne endettée ou à un esclave qui veut se libérer, et qu'il a pris cette zakat, et que après avoir utiliser ce qu'il avait besoin de cette zakat, il reste avec une somme d'argent de surplus, il dit que c'est obligatoire pour lui de le rendre, parce que il dit que ça ne lui appartient pas d'une façon absolue, mais ça lui appartient uniquement dans le but de selon la proportion de son besoin. Une fois qu'il a complété son besoin, dans ce cas-là, l'argent ne lui appartient plus. Et il n'a plus le droit à cet argent-là parce qu'il a eu, il a déjà eu qu'est-ce qui lui suffisait de cet argent. Donc, ça, c'est un point important. Et le cheikh, il dit, وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة وإن تأخذوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشيخ الزي sache qu'il est permis de donner de la zakat à une seule parmi les catégories dont on a parlé maintenant. Puis il dit لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم متفق عليه. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. الشيخ الذكر Mu'az, lorsqu'il a été envoyé au Yémen par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'az ibn Jabal, il a dit, fais-leur savoir que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire à sadaqa, de donner une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, et c'est quelque chose qu'on prend des riches et qu'on la redistribue aux pauvres. Muttafaqun alayhi, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il dit que c'est permis dans ce cas-là de distribuer la zakat pour une seule des catégories mentionnées. Et il mentionne aussi le verset dans Surat Al-Baqarah qui dit « Et si tu la caches, c'est-à-dire si tu caches ta sadaqa, quand tu la distribues, tu la distribues ou tu la donnes en cachette, et que tu la donnes aux pauvres, alors c'est mieux pour vous. » Donc, ça veut dire que c'est permis aussi de donner à une seule catégorie. Il dit ويجزئ الاقتصار على انسان واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة ابن صخر رواه احمد وابو داود. Donc le cheikh il dit aussi que c'est valable de donner la zakat à une seule personne. Non. Donc, il dit que c'est permis de donner la zakat à une seule personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bani Zariq de donner leur zakat, toute leur zakat à Salama ibn Sahr. Ça c'est rapporté par Ahmed. Et aussi il dit, waqala sallallahu alayhi wa sallam li Qubaysa, aqim ya Qubaysa, hatta ta'tina as-sadaqa, fa na'mur laka biha. Donc, l'exemple de Qubaysa aussi qu'on a mentionné tout à l'heure, il dit Aqim, au Qubaysa, il dit, je pense que s'il dit Aqim, probablement que c'est à cause de Iqama, l'Iqama c'est Salah, probablement pour établir l'Iqama pour la Salah, pour dire que la prière commence, peut-être pour que les gens se réunissent pour donner leur sadaqa. Comme ça, il va commander aux gens de lui donner la sadaqa pour lui, comme on a mentionné dans l'exemple tout à l'heure pour Al-Harim, celui qui est endetté. وَيُسْتَحَبُّ دَفْعُهَا إِلَىٰ أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا تَلْزِمُهُ نَفَقَتُهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه الخمسة وحسنه الترمذي. Donc c'est un hadith. Le cheikh dit que c'est recommandé de donner la zakat aux proches qui sont dans le besoin et pour qui il n'est pas obligatoire de leur donner de s'occuper d'eux et de leur donner de l'argent. Donc c'est-à-dire c'est permis et c'est quelque chose qui est recommandé d'aider nos proches qui ont besoin d'argent. et qu'on n'est pas obligé de s'en occuper d'eux. C'est-à-dire, il y a des proches qui rentrent dans une catégorie dont s'ils sont en besoin, on est obligé de les aider. C'est comme une obligation pour nous. Et il y en a d'autres qui sont des proches, mais moins proches. C'est-à-dire, eux, c'est pas obligatoire pour nous de leur donner une sadaqa. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur... C'est-à-dire, une nafaqa, pardon. C'est pas... Ceux qui sont très proches de nous, on n'a pas le droit. Comme par exemple, les parents. Les parents et les enfants, c'est obligatoire pour nous de s'occuper d'eux s'ils sont dans la misère. S'ils ont besoin d'argent, c'est une obligation de leur donner. Donc, on peut pas leur donner la zakat parce que déjà ils sont obligés, ou bien on est obligé de les aider parce que ce sont nos proches. Et toutefois, il y a d'autres proches qui sont pas considérés comme, disons que c'est une obligation qu'on les aide. Toutefois, c'est quelque chose de bien de les aider. Et c'est comme par exemple les frères, les oncles et les gens comme ça de la famille. Ça, c'est quelque chose de bien aussi de les aider. Le cheikh dit « Wayajuz daf'u az-zakat » Ah oui, il mentionne le hadith qui dit que si tu donnes une sadaqa pour un pauvre, c'est une sadaqa. Mais si tu donnes pour quelqu'un qui est proche de toi en plus, eh bien, c'est en plus d'être une sadaqa, c'est un sila, c'est-à-dire c'est un lien que tu noues avec tes proches. Donc c'est doublement bon, yani, d'aider quelqu'un qui est dans le besoin et qui est un proche avec toi en même temps. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Hakim. Et c'est selon Salman ibn Amir. Ok. Et ensuite le cheikh dit wala yajuzu daf'u az-zakat ila bani Hashim wa yadkhulu fihim al-Abbas wa al-Ali wa al-Ja'far wa al-Aqil wa al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa al-Abi Lahab liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم لشيخ الزي il n'est pas permis de donner la zakat à Bani Hashim, la tribu de Hashim, c'est-à-dire la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. Et parmi les gens qui rentrent dans Bani Hashim, les fils de Hashim, c'est Al-Abbas, Al-Ali, Al-Ja'far, Al-Aqil, la famille d'Aqil, et la famille d'Al-Harith ibn Abd al-Muttalib, et la famille d'Abi Lahab. Ceux-là font partie de Bani Hashim, et il n'est pas permis de leur donner. Ils font partie de Al-Muhammad. Et donc, on n'a pas le droit de leur donner de la sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sadaqa ne peut pas être donnée à Al-Muhammad, à la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que c'est uniquement des saletés que les gens ont données. Dans le sens que c'est une purification de tes péchés. Donc, quand tu donnes la zakat, c'est une purification de tes péchés. Donc, c'est comme si c'est les saletés que les gens font sortir de leur bien, et donc on ne peut pas la donner à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhrajahu Muslim. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Wa la yajuz daf'u zakat ila imra'atin faqira idha kanat tahta zawjin ghaniyyin yunfiqu 'alayha ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. Le cheikh dit, il n'est pas permis de donner de la zakat à une femme qui est pauvre si elle est sous la charge d'un mari qui est riche et qui lui donne de l'argent. Et la même chose pour un pauvre s'il a des proches qui sont riches et qui dépensent pour lui. parce que, bien entendu, ils n'ont pas besoin de nafaqa puisqu'ils ont déjà qu'est-ce qu'il leur faut. Il dit وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَلْزِمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ يَقِي بِهَا مَالَهُ حِينَئِذٍ أَمَّا مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا أَمَّا مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ تَبَرُّعًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي حَجْرِهَا أَفَتُعْتِيهِمْ زَكَاتَهَا قَالَ نَعَمْ. Le cheikh il dit, il n'est pas permis pour quelqu'un de donner de la zakat il n'est pas permis à quelqu'un de donner de sa zakat à des proches si c'est obligatoire pour lui de leur en donner, de s'occuper d'eux et de leur donner de l'argent. Parce que s'il fait ça, en réalité, c'est comme s'il protège son argent. Hein? Parce que il est obligé de leur donner déjà en partant. Et il essaie de se libérer de cette obligation-là. Il essaie de se libérer de cette obligation-là en disant que ce qu'il leur donne, c'est la zakat. Donc c'est comme si il essaie de faire une pierre deux coups en donnant la zakat à ceux qu'il est obligé de s'occuper d'eux. Il est déjà obligé de s'occuper d'eux. Donc s'il fait ça, bien entendu, c'est pas permis. Comme on a dit tout à l'heure, les parents, les grands-parents en montant et les enfants et les petits-enfants en descendant, il n'est pas permis de leur donner de la zakat parce qu'on est obligé de s'occuper d'eux. Et le cheikh il dit qu'il y a un exemple de ça. Par exemple, il dit toutefois, c'est ça, toutefois, si il veut donner de son argent volontairement, ça n'est pas de qu'est-ce qui fait partie de la zakat, mais volontairement, et dans ce cas-là, il est permis pour lui de leur donner de l'argent comme sadaqa ordinaire. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَمَّا مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا. Oui, ok, je comprends maintenant. Le cheikh il dit, si la personne elle donne de l'argent à quelqu'un de sa famille qui n'est pas obligé de s'en occuper, il n'est pas obligé de lui en donner, mais il lui en donne volontairement, alors il est permis pour lui de lui donner de l'argent de zakat, parce que il fait pas partie des gens qu'il est obligé de dépenser pour rien. Et ça c'est mentionné comme dans le hadith sahih que la femme de Abdullah, je pense que c'est Abdullah ibn Mas'ud si je me souviens bien, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de les enfants de son frère qui sont des orphelins, est-ce qu'elle peut leur donner de la zakat? Il a dit oui. Ça s'est rapporté par Muslim, et c'est un hadith selon Al-Matla ibn Rabi'a ibn al-Harith. Et donc, on peut leur donner de la zakat, mais bien entendu à condition qu'ils soient pauvres, qu'ils soient dans le besoin. Voilà, il y a juste d'un pour le zakat, il a usulihi, وهم آباؤه وأجداده ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده. Il ne peut pas donner d'argent à ses racines ni à ses branches. C'est-à-dire les racines, c'est ses pères et ses grands-parents, et il ne peut pas donner non plus à ses branches, c'est-à-dire à ses enfants et à ses petits-enfants et aux enfants de ses enfants. Donc c'est ça. Et après il dit wala yajuzu lahu daf'u zakatihi ila zawjatihi li'annaha mustaghniyatun bi'infaqihi 'alayha wa li'annahu yaqi biha mala. C'est ça. Il dit qu'il n'est pas permis pour quelqu'un de donner de la zakat à sa femme, son épouse, parce qu'il a déjà, il est déjà en train de dépenser de son argent pour elle. Et aussi, c'est parce que il essaie de protéger son argent en faisant ça. Dans le sens qu'il se dit, bon, déjà je suis obligé de payer de l'argent pour m'occuper d'elle, donc au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de donner la zakat à quelqu'un d'autre, je vais donner à elle puisque je suis déjà obligé de donner en partant. Donc il veut essayer de se libérer d'une obligation en payant, en donnant cette obligation-là à cette personne. Donc il avait deux obligations, puis il essaie de les mettre ensemble pour, disons, se libérer d'une des deux. Et ça, c'est pas permis. Il doit donner la zakat à quelqu'un qui n'est pas obligé de dépenser pour cette personne en partant. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة ولو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزي اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. Ça c'est rapporté par Abdullah ibn Adi ibn al-Khiyar selon Abu Dawood et An-Nasa'i. C'est l'imam An-Nasa'i et Abu Dawood qui l'ont rapporté. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut vérifier réellement que les gens à qui on donne la zakat le méritent vraiment. Si tu donnes ta zakat à celui que tu as l'impression que si tu la donnes à celui que tu penses qu'il mérite, puis par la suite tu réalises qu'il ne fait pas partie des gens qui le méritent, là, ça, dans ce cas-là, ça n'a pas compté, la zakat. Mais si tu n'as pas réalisé que ces gens-là ne le méritaient pas, et que tu leur as donné la zakat, dans ce cas-là, ça compte. Parce que tu t'es basé sur qu'est-ce qui était le plus apparent, le plus clair. Tant que tu n'as pas vu clairement le contraire, t'as cru que c'était des pauvres, donc tu leur as donné. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu deux personnes qui sont venues lui demander de la sadaqa, il les a regardées et il les a vus tous les deux qu'ils avaient l'air, qu'ils avaient l'air forts, ils avaient l'air corrects, dans le sens qu'ils semblaient avoir de l'argent. Alors il a dit, si vous voulez, je vous en donne, mais vous n'avez pas, mais le riche et le fort n'a pas le droit, hein, le riche et le fort, celui qui est capable de travailler, n'a pas de droit à cette zakat. Donc il leur a dit, si vous voulez, je vous en donne, mais sachez que le riche et celui qui est fort et qui est capable de gagner sa vie, eh ben lui, il mérite pas de cette zakat-là. Et donc il s'est basé c'est-à-dire il leur a donné le bénéfice du doute, mais sinon il leur a fait savoir que ils ne peuvent pas prendre de la zakat s'ils ne sont pas parmi les gens qui méritent. Et donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, parce que je pense que on a clarifié donc ce sujet-là assez bien, et puis on continuera la semaine prochaine avec le dernier point, le dernier chapitre dans ce chapitre de la zakat, qui est as-sadaqa al-mustahabba. Thank you. Donc c'est ça. Donc je vais vous laisser avec ça et puis on continuera inchallah la semaine prochaine. Dimanche prochain. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.